Juste pour parler. Non mais je joue pas encore. Moi, balance de la musique et dis-moi si tu entends le micro.